une vraie bonne nouvelle. Alors, j'avais pour mandat de vous parler de l'impact de l'austérité sur les femmes. Je pense que vous commencez à l'entendre pas mal avec toutes les présentations qui ont eu lieu auparavant. Là, on a beaucoup d'endroits au Québec où on commence à se dire que l'austérité, ça touche particulièrement les femmes et il faut en parler. Ben, peut-être que vous vous posez la question, là, certains d'entre vous, pourquoi est-ce qu'on parle des femmes? Est-ce que cette question n'est pas complètement réglée? Est-ce que c'est pas une question un peu du 20e siècle? Ben, d'une part, on l'a dit, les salaires hein, des femmes sont encore moins élevés que ceux des hommes si on regarde les statistiques. Mais d'autre part, je pense que ma petite présentation devrait vous aider à répondre à cette question plus large de l'importance du féminisme encore aujourd'hui. Donc, comment l'austérité affecte-t-elle les femmes? Ben, d'une part, elle nous affecte en tant que travailleuses dans la fonction publique. Elle affecte les femmes aussi comme travailleuses dans le communautaire. Puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais essayer peut-être de développer un peu là-dessus. Et elle affecte les femmes aussi en tant que citoyennes qui sont utilisatrices de services publics et qui bénéficient d'un certain soutien financier de la part de l'État. Donc, d'une part, dans le secteur public, dans la fonction publique, vous avez 3/4 des employés qui sont des femmes. Ça, c'est un chiffre qui est important à retenir, là. Puis quand on pense à la fonction publique, il faut penser à un paquet de monde. Il y en a qui sont plus à l'avant-scène, puis on parle souvent hein, des infirmières, des profs, etc. Mais il y a plein de gens qui font des jobs qui sont cachés, qui sont un peu en arrière-plan et qui ne sont pas forcément super bien rémunérés non plus. Dans certains secteurs, la santé, par exemple, c'est 80% des travailleurs qui sont en fait des travailleuses. Dans l'éducation, c'est plus autour de 60%. Puis si on se pose la question de pourquoi est-ce que les femmes sont surreprésentées, ben un petit historique, là, c'est évidemment que souvent, les services publics, c'est des tâches qui étaient historiquement assumées par les femmes, comme étant du travail ménager, s'occuper des personnes qui sont handicapées, des personnes malades, des enfants, enseigner. Donc, c'est des pratiques qui étaient occupées par les femmes, qui sont devenues des métiers, qui se sont professionnalisées. Puis, avec le fait que l'État s'est mis à grossir, ben, c'est devenu en fait un des employeurs principaux des femmes. Et quand on dit les femmes sont rentrées sur le marché du travail, au Québec, on voit vraiment le lien entre le fait que les femmes ont eu accès à des emplois et le fait que la fonction publique et les services publics en général se sont développés. Fait que là, il y a déjà un premier lien. Donc, l'État est l'employeur principal ou un des employeurs principaux des femmes qui ont, grâce à ça, un accès au marché du travail. Donc ça, c'est dans des emplois qui sont relativement typiquement féminins, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais, parenthèse, ben, il y avait des choses pour ouvrir les horizons des jeunes filles à des secteurs qui sont plus scientifiques, des secteurs qui sont plus professionnels ou techniques, qui étaient dits typiquement masculins. Il y avait une super belle initiative, je le dis au passé, c'est pas pour rien, ça s'appelait Chapeau les filles, qui était un concours organisé hein, dans les écoles secondaires pour valoriser justement le fait que les femmes, les jeunes filles aillent dans des secteurs qu'on ait un peu un brassage finalement des genres dans les emplois. Ben, le ministre Bolduc, d'ailleurs, on a hâte de savoir s'il va sauter ou pas, là, mais parce qu'aux dernières nouvelles, il va peut-être quitter son poste très bientôt, mais le ministre Bolduc va laisser à son actif le fait d'avoir coupé la partie régionale du concours Chapeau les filles. Et puis, on garderait juste le concours au niveau national. Donc ici, vous avez une double attaque. On n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais on attaque les régions et les femmes en même temps. On coupe chapeau les filles. Puis il y a eu une grosse levée de bouclier sur la question des petits débrouillards. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais toute la société québécoise a déchiré sa chemise sur les petits débrouillards. Bien, je vous dirais que chapeau les filles, là, quand on parle de valoriser la culture scientifique pour les jeunes femmes, bien, là, on vient de faire à peu près l'équivalent là, avec chapeau les filles. Donc, fin de la parenthèse, là, peut-être sur ce petit dossier-là. Mais si on revient à la question de l'austérité qui affecte donc le secteur public, ben quand on disait les conditions de travail, la pression là qui est mise, les coupures qui sont faites, ça va affecter. Donc, on s'est dit plein de femmes qui sont travailleuses dans les hôpitaux, dans les cégeps, dans les universités, dans les CPE. Et si on coupe des postes, si on ne remplace plus les gens, puis si on dit on va envoyer ces femmes-là dans le secteur privé ou dans le communautaire, ben, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que l'impact que ça va avoir sur leurs revenus et sur leurs conditions de travail, c'est souvent à la baisse. Parce que si on parle des CPE, passer en garderie privée, c'est des moins bonnes conditions de travail, c'est des moins bons salaires. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans beaucoup d'autres secteurs où les femmes professionnelles qui trouvent de la job dans la fonction publique, si elles passent au privé, ben, soit c'est très difficile de trouver de l'emploi, soit les conditions de travail écopent et les salaires qui viennent avec. Ça, c'est la première attaque donc, envers les femmes. Pour compenser, les Tao et les libéraux ont eu une super bonne idée, c'est de faire appel aux organismes communautaires. Puis je vous cite le ministre Lei Tao qui disait en octobre dernier, « Il y a énormément d'organismes communautaires qui peuvent livrer des services sociaux, ça coûte moins cher que s'il s'agissait du réseau de la santé publique. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il est en train de nous dire « Débrouillez-vous, on vous envoie ça dans vos plates-bandes. » Mais ça fait déjà des années là, que le secteur communautaire, il est affecté, il est coupé, puis que, je vous le disais tout à l'heure, leurs conditions de travail et de rémunération sont déjà souvent moins bonnes, moins intéressantes. Donc c'est complètement ironique de faire appel au secteur communautaire, puis là encore, 80% des gens dans le secteur communautaire sont des femmes. Et que là, vous comprenez où je veux en venir, là. Il y a des coupures majeures qui ont été faites dans le secteur communautaire au niveau provincial et fédéral depuis des années. Et là, on leur demande de compenser. On coupe dans la fonction publique, puis dans des conditions de travail qui n'étaient pas trop pires, parce qu'on avait lutté pour. Puis là, on transfère aux communautaires en disant, allez-y, vous allez être capable, vous allez faire du bon boulot, puis on compte sur votre bénévolat et puis sur votre abnégation. Allez-y, les filles, vous êtes capables. Donc, on affecte aussi les femmes quand on parle de toutes leurs conditions de travail dans le communautaire, puis nos étudiantes, entre autres, en travail social, en éducation spécialisée, on parlait d'éducatrices à l'enfance, vont aussi être affectées potentiellement dans leur futur job. Finalement, puis là, j'ai envie de parler évidemment des femmes en tant que citoyennes. Imaginez quel impact ça a quand on prend un exemple dans la santé. Vous avez un temps d'hospitalisation qui est coupé parce qu'on dit aux gens « Allez, ah ouais, il faut sortir de l'hôpital », mais qu'en même temps, on est dans un secteur où on est centré sur les hôpitaux. Puis il y a des gens qui ont fait une petite vidéo. Dans le secteur de la santé, on est dans un phénomène où on n'est pas en train d'investir dans tout ce qui est l'aide à domicile puis la prévention. On est juste en train d'investir dans les hôpitaux. Puis encore, je dis investir, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on se centre sur l'hospitalisation. Donc là, quand vous revenez à la maison, vous venez de vous faire opérer du cœur, puis que vous avez besoin d'aide pour faire des trucs de base, comme vous laver, aller faire des courses, puis des petites choses comme ça, si c'est pas les services publics qui s'en occupent, c'est qui va s'en occuper? Les aidants naturels, les proches, et les proches, ce sont majoritairement des femmes. Et là, encore une fois, donc c'est des gens qui font quoi? Qui disent, j'ai quelqu'un à aider à la maison, donc je vais réduire mes heures de travail, je vais compenser, je vais essayer de trouver des solutions financières. Et donc, les femmes vont être affectées à la fois économiquement, puis à la fois dans leur autonomie professionnelle, puis leur capacité à rester sur le marché du travail. Ça, c'est juste un exemple parmi des milliers qu'on pourrait donner, parce qu'on le disait avec les garderies, même chose. Ça me coûte tellement cher de mettre mon enfant en garderie que ça vaut plus la peine de travailler. Je reste à la maison. Puis là, l'impact que ça a, c'est quoi? C'est que si on dit aux femmes « restez à la maison », quel message on envoie, évidemment, sur la question de l'égalité? C'est assez critique. Et on enlève de l'autonomie aux femmes alors qu'on s'est battu pour l'obtenir. Donc, vous voyez que ça a des impacts importants. Puis j'aurais voulu vous parler aussi peut-être de la retraite. Les femmes cotisent en général moins pour leur retraite parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles font des arrêts de travail pour s'occuper des aidants naturels, des proches qui ont besoin, et puis à titre d'aidantes naturelles. Et donc, et souvent leur salaire est moins élevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles se retrouvent avec des retraites moins importantes. Et ici aussi, le gouvernement est en train de repousser l'âge de la retraite dans le cadre de la fonction publique, de couper dans le fond tout ce qui existait à ce niveau-là. Et donc, les retraites des femmes risquent d'être plus affectées que celles des hommes puisqu'elles gagnaient déjà moins et cotisaient déjà moins pour leur retraite. Bon, pendant ce temps, la nouvelle mode, c'est de ne plus parler d'austérité. Là, on vous fait un colloque sur l'austérité, mais on n'est vraiment pas à la mode. La nouvelle mode, c'est parler de la relance de la prospérité. Vous êtes pauvres, j'espère. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va investir dans deux secteurs. On pourrait les critiquer pour d'autres aspects, là, mais on va investir dans les mines, le plan Nord et les infrastructures. Et le gouvernement, il investit dans deux secteurs pour la relance économique depuis la crise de 2008. C'est deux secteurs, mais dans une perspective féministe, c'est très intéressant parce que l'austérité, pendant qu'on coupe dans les secteurs publics qui offrent des services à la population, on va investir dans le béton et on va investir dans des jobs typiquement masculines. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la construction, vous le savez. Puis là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose que les gars aient des jobs. Comprenez-moi bien, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, dans l'histoire de la relance économique, on donne des jobs, mais elles ne seront pas faites, elles seront pas pour les femmes. Donc, voilà. J'aurais encore d'autres choses à vous dire. Le Conseil du statut de la femme a été coupé aussi en région, encore une fois. Et demain, l'IRIS, hein, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, va sortir une recherche sur l'austérité et l'impact sur les femmes. Ils ont fait toute une comparaison entre l'Europe et le Québec. C'est super intéressant. Je vous encourage vraiment à aller la lire. Ça va être disponible gratuitement sur leur site Internet. Ça va permettre d'approfondir votre compréhension du dossier. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que les mesures d'austérité, ça peut avoir l'air neutre. Hein. On se dit, on coupe tout le monde égal. Mais dans le fond, il y a des impacts qui sont différents selon les sexes. Hein, et dans le fond, les femmes sont particulièrement touchées, particulièrement affectées par l'austérité, parce qu'elles travaillent dans la fonction publique, parce qu'elles travaillent dans le communautaire, puis parce que c'est encore elles qui assument principalement les charges dans leur famille de beaucoup de tâches ménagères. Donc non seulement ce gouvernement, il est austère, mais en plus, il est sexiste. Merci.